Yeah, ma fille, yeah. Trixie, ha. Frérot, squad. Gang, gang. Bitch. Longue vie à nous, frérot, longue vie à nous. Ça t'est réussi, t'es sobre, mais négo du zoo. Ça t'est réussi, t'es sobre, mais négo du zoo. Ça t'est réussi, t'es sobre, mais négo du zoo. Longue vie à toi et moi, frérot, longue vie à nous. Ça t'est réussi, t'es sobre, mais négo du zoo. Ça t'est réussi, t'es sobre, mais négo du zoo. Ça t'est réussi, t'es sobre, mais négo du zoo. J'ai du rosé dans ma coupe, marquons le coup. J'ai du rosé dans ma coupe, marquons le coup. Toujours premier à l'arrivée, donc je lève la coupe. Alpha de la troupe, bienvenue chez les loups. Je crache dans la soupe, négo Guadeloupe. Accident dans la soute, voyager pour nous faire sourd. Santé réussite et soupe pour mes négo du zoo. Nous bon café nous rare, nous toujours en zoom zoom. Si tu veux nous voir, viens faire un tour dans le zoo. Santé réussite et soupe pour mes négo du zoo. Santé réussite et soupe pour mes négo du zoo. Santé réussite et soupe pour mes négo du zoo. Longue vie à toi et moi, frérot, longue vie à nous. Santé réussite et soupe pour mes négo du zoo. Santé réussite et soupe pour mes négo du zoo. Santé réussite et soupe pour mes négo du zoo. J'ai du rosé dans ma coupe, marquons le coup. On croit pas en la chance, ni au Père Noël. Fuck la soumission, mes frérots se rebellent. Pour s'en reposer, un peu pas mis un prix Nobel. Un toujours aux avant-postes, comme Michael Owen. Plage et cocotier, bienvenue au bled. Toi qui violence qu'a mené, bienvenue au bled. Nous qu'a foutu au tout ni, crier nous club med. Nous toujours fruités, compagnie de Yobler. Santé réussite, sous pour mes négo du zoo. Santé réussite, sous pour mes négo du zoo. Santé réussite, sous pour mes négo du zoo. Longue vie à toi et moi, frérot, longue vie à nous. Santé réussite, sous pour mes négo du zoo. Santé réussite, sous pour mes négo du zoo. Santé réussite, sous pour mes négo du zoo. J'ai du rosé dans ma coupe, marquons le coup. Pas bizarre résolution, continuez s'il a lancé. Même si les difficultés, y'a un peu pas renoncé. 2018, 2019, 2020. C'est l'oseille, l'envie, objectif l'a changé. Toujours au charbon, nous pas qu'à prendre congé. Ou venir en longue vie, des temps pour éponger. Pas bizarre étranger, papa pas qu'à mélanger. L'arme distillée au sol, les défaits en rassonger. Santé réussite, sous pour mes négo du zoo. Santé réussite, sous pour mes négo du zoo. Santé réussite, sous pour mes négo du zoo. Longue vie à toi et moi, frérot, longue vie à nous. Santé réussite, sous pour mes négo du zoo. Santé réussite, sous pour mes négo du zoo.